avait un empereur, là. Li Chan Wu. C'est quoi donc? Li Chan Wu Tang, me semble, qui s'appelait. Me semble qu'il est mort, lui, vers 846. Dans ces eaux-là. Me semble qu'il avait autour de 31 ans. Wu Tang. Puis lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de persécuter le bouddhisme en Chine. Bon, c'était un fanatique taoïste. Puis... Mais pourquoi il faisait ça? Pourquoi il avait fait ça? C'était parce que les gens quittaient leur famille, quittaient les champs, entraient dans des monastères, passaient leur journée en méditation. L'économie du pays est en train de tomber. Disons qu'il y avait des raisons en tant que gouvernant de vouloir persécuter le bouddhisme qui venait pas de Chine, qui venait d'Inde. Lui, c'était un taoïste, puis il voulait mettre de l'avant le confucianisme puis le taoïsme, qui ont une vision plus... C'est très différent. C'était surtout à cette époque-là, avant que ça se fonde plus tard. Mais c'est parce que ça brisait des familles, carrément. Il y a des gens qui quittaient leur famille, ils rentraient dans des... Bon, ils devenaient, si on peut dire, inactifs. OK? Au niveau de la société. Puis, il a fait des persécutions. Puis, finalement, bon, un des buts, c'était de que les gens retournent dans un mode de vie où ils paieraient des impôts pour pouvoir continuer à entretenir les chemins, puis des infrastructures, puis développer le pays. Parce que ça nuisait réellement. Il y a eu un engouement pour le bouddhisme à son époque, puis des jeunes gens devenaient extrêmement passifs, puis bon. Le monde retourner dans le nirvana, le monde de la mort devenait plus important que la vie, là. Puis c'était en train de détruire jusqu'à un certain point, ça nuisait. Ça nuisait à l'économie, ça nuisait à la structure sociale. C'est un petit peu un combat contre l'astral, ce qu'il a fait, si on peut dire, à son échelle à lui. Puis bon, mais comme on finit souvent par se faire avoir pareil par l'astral, même quand on combat contre lui, il est mort. La vieille promesse luciférienne d'immortalité, c'est par ça qu'il s'est fait avoir. Puis, possiblement que c'est en buvant des élixirs pour s'immortaliser, qui contenaient toutes sortes de choses toxiques, qu'il est mort, parce qu'il est mort assez jeune, à 31 ans. Probablement en buvant un élixir qui contenait du cinabre. Le cinabre, qui est un minéral rouge vif, qui c'est du sulfure de mercure, dans le fond, puis probablement qu'il est mort empoisonné comme ça. Puis, bon, souvent ces forces-là sont gagnent, souvent. Donc, l'empereur qu'il y a eu après lui a fait un décret où il a permis aux bouddhistes de se répandre, puis à ces choses-là de se répandre. Puis, bon, comme de fait, il y a eu un ralentissement du développement du pays. Il y a eu un... Donc, il y a des raisons de la colère, je pense l'avoir expliqué.